d'échanger sur les chansons qui ont traversé nos vies respectives. Donc moi, je chantais des chansons, mais les personnes chantaient des chansons à leur tour. Et puis voilà, de fil en aiguille, s'est créé un répertoire comme ça. Et je me suis intéressée de plus en plus au support de la chanson, à ce que ça peut véhiculer, à la voix. Et je me suis mise à chanter de plus en plus. Et puis c'est resté. L'exercice vous a semblé difficile, ou c'était comme une évidence? En fait, est-ce que ça vous a permis d'aller un peu plus loin, voire de s'extérioriser par rapport à votre fibre artistique? Oui, de l'instrument à la chanson. En réalité, j'ai toujours chanté depuis toute petite. Après, j'ai peut-être pas osé le faire ou me suis pas sentie légitime parce que j'ai pas étudié le chant au conservatoire comme j'ai pu faire avec la flûte. Mais ce que je peux trouver je trouve une certaine liberté dans le chant, en fait, et peut-être une spontanéité qui passe un peu plus par le corps, un peu moins par la technique. Et voilà, c'est peut-être cette spontanéité-là aussi qui me touche et qui m'a poussée à aller un petit peu plus loin dans cette voie, et puis à poursuivre, et puis à continuer d'avoir du plaisir de chanter. L'idée de cette émission, c'est de découvrir notre invité par leurs goûts musicaux. Je vous ai demandé de m'amener un album, un CD de chevet, celui que j'imagine vous écoutez en ce moment. Et là, je vous laisse dire, vous vous en rappelez? Oui, je m'en rappelle bien sûr, mais alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on avait déjà échangé à ce sujet, puis j'avais donné un autre album. Oui. Et en fait, je me rends compte que encore une fois, c'était super difficile de définir un album de chevet, parce que bon, déjà ça change régulièrement. Et puis voilà, je me dis, alors est-ce que c'est un album de chevet de quand j'étais, qui m'a marqué vraiment, ou est-ce que c'est l'album de chevet de maintenant? Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'écoutais en réalité, et que je pense que selon le jour où vous me le demandez, ça va être différent. Un peu comme un livre. Peut-être. Alors on part sur un style un peu bossa, nova, samba, jazz, une fibre musicale que vous aimez. On écoute votre choix musical sur le CD de chevet. Vous écoutez Aligre FM 93.1 avec Sarah Amiel. Sur les terrasses, tasse de café. Les parasols sont fermés et les passants, pas très nombreux, se lèvent ou rentrent chez eux le dimanche matin. Qui est où et qu'on est bien. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Dimanche, c'est comme une balade cette chanson. Tel un dimanche matin où la vie commence à s'agiter tranquillement, pas à pas, un dimanche ordinaire qu'on aimerait partager, des dimanches que vous pouvez vivre, j'imagine. Oui, je crois que c'est assez parlant sur mes dimanches, effectivement. Sarah Amiel, je trouve que vous avez le sens de l'observation au point d'en faire des chansons. Et je trouve qu'il y a de la poésie chez vous et toujours une empreinte paisible qui vous caractérise. Je ne sens pas de résistance chez vous. Eh bien... Bien qu'il faut se battre pour... C'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas forcément quelque chose que je mets en avant dans mes chansons. Et peut-être que c'est en lien, je me demande si ce n'est pas en lien avec la manière d'écrire, qui est finalement, je ne sais plus si j'en parlais tout à l'heure, mais je n'ai pas forcément un sujet précis qui vient tout de suite quand je vais écrire une chanson. Souvent, c'est que je m'amuse avec ma guitare ou mon violoncelle, qui sont les instruments avec lesquels je m'accompagne sur scène. Et puis vient un petit mot, une petite mélodie, et puis et en fait, c'est ça qui va créer le support de la chanson. Donc ça vient spontanément de... Je ne sais pas de quoi, d'ailleurs. Mais ensuite, je déroule le fil et puis le propos vient avec. Alors, ces notes de musique, on y trouve-t-on pas des influences inspirées d'autres continents comme le morceau qu'on a écouté oui. tout à l'heure. Bah, vous n'en cachez pas. Non, je ne m'en cache pas. C'est vrai que donc, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, c'est un morceau qui a été interprété par João Gilberto et Herbie Mann. Et alors, c'est drôle parce que quand vous m'avez demandé de choisir un titre, j'ai choisi spécifiquement celui-là qui est le seul de cet album qui s'appelle d'ailleurs le titre de l'album, je crois que c'est enregistré à Rio de Janeiro, il n'y a pas de titre, qui est un album de 65. C'est le seul qui n'est pas chanté, je crois. Et en fait, voilà, c'est un des titres qui me touche le plus aussi parce qu'il y a la flûte d'Herbie Mann et que je suis flûtiste au départ. Et aussi, c'est cette rencontre de deux univers entre. La guitare de João Gilberto et la flûte d'Herbie Mann qui sont deux univers complètement différents et qui viennent se rencontrer et se marier parfaitement, je trouve, et qui viennent créer ce moment presque méditatif qui me touche beaucoup. Et puis j'ai vraiment beaucoup d'affection et d'affinité avec la bossa nova et aussi le fait d'être dans un registre de proximité directe et de faire beaucoup avec peu. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, tout comme observer des petites choses finalement et avoir un regard sur les choses qui nous entourent, mais qui ne sont pas forcément des choses extraordinaires, enfin qu'on penserait extraordinaires ou grandiloquentes. Et ça me semble hyper important. Et pour moi, la poésie, elle est là aussi, dans l'observation des petites choses qui nous entourent et faire, essayer de faire avec peu et avec ce qu'on a comme support sous. Vous aimez la poésie et à l'écoute de vos chansons, je peux imaginer que l'écriture vous passionne. Seriez-vous tenté d'écrire des essais, une esquisse d'un roman ? Alors là, je crois que je m'en sens bien incapable. Encore une fois, ça me ramène à l'enfance, c'est rigolo. Quand j'étais petite, je faisais tous les concours d'écriture de nouvelles, c'était drôle, j'aimais beaucoup ça. Je pense que avant tout, il y a la musique. Avant tout, il y a la mélodie. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi avant même de venir poser des mots. Et souvent, il y a quand même une esquisse de mélodie avant même de venir poser les mots de la chanson. Donc, c'est comme s'il y avait un mariage, un moment de... et d'une idée, et d'une sonorité, et de la musique des mots. Et je ne sais pas si j'arriverai sans le support de la mélodie et de la musique à écrire réellement. En fait, il faudrait que j'essaie. Mais... Alors, la musique peut faire voyager. Et je vous ai demandé encore de vous découvrir, enfin, j'avais envie de vous découvrir sous une autre forme par rapport à votre album et vous découvrir sur un album qui vous rappelle le voyage. Et là, vous m'avez parlé d'Henri Texier. Donc, on écoute. Votre album qui représente le voyage, on a écouté La Laguna d'Henri Texier, qui est contrebassiste, multi-instrumentiste, chanteur, chef d'orchestre. C'est quand même un sacré musicien. Ouais. Et vous aimez beaucoup. J'aime beaucoup, puis je l'écoute depuis très longtemps. Et encore une fois, c'est peut-être en tout cas, c'est un album qui m'a beaucoup marqué en tant que musicienne, en tant que personne aussi. Et encore une fois, c'est ce lien au voyage et à ce qu'on peut traverser et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on rapporte en fait de ces voyages. Alors justement, le voyage, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir de voyage qui vous a marqué par des paysages, voire même des rencontres musicales et humaines? J'ai des souvenirs de voyage, encore une fois, c'est des souvenirs d'enfant, mais mes grands-parents, quand j'étais petite, habitaient au Burkina Faso, à Ouagadougou. Donc j'ai voyagé là-bas, j'étais assez petite hein, quand j'ai été, je devais avoir 9-10 ans. Et donc j'ai ce souvenir, mais encore une fois, pas très précis, mais plutôt des impressions et des images. Donc je ne saurais pas exactement comment les décrire. Et par ailleurs, j'avais aussi mon oncle. Qui habitait à La Réunion et j'ai fait aussi des allers-retours fréquents là-bas et je pense que c'est des choses... Enfin, j'ai, encore une fois, je me sens emplie de plein d'impressions que j'aurais peut-être du mal à décrire comme ça maintenant, tout de suite, et de manière très précise, mais qui sont... Non, c'est ça, c'est peut-être ce qui construit le côté impressionniste de ce que j'aime bien défendre. Alors, ces impressions... Quand vous quittez un endroit, un lieu, est-ce que vous regardez derrière vous avec un peu de regret et l'envie d'y retourner ou bien plutôt découvrir d'autres endroits? Ah, je dirais un peu les deux. Mmh. Peut-être se demander à chaque fois si on a bien observé ou bien profité de l'endroit ou bien tout capté en se disant peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais en même temps, voilà, on est empli de tout ce qu'on a vécu. Et puis l'envie de la découverte. Alors, question facile pour moi, peut-être on vous l'a déjà posée. En tant que musicienne, vous avez la mélodie en tête avant les paroles ou le contraire, ou bien un peu comme une personne qui fait des croquis, des esquisses, vous notez quelque part vos inspirations quand vous promenez la vie de tous les jours. Ouais, j'ai beaucoup souvent la mélodie qui vient quand même. Alors parfois, ça arrive souvent que ce soit conjoint, c'est-à-dire j'ai quand même un petit bout de mélodie qui arrive et après un petit bout de mot qui arrive dessus. Mais je dirais que quand même c'est la mélodie qui est prépondérante et comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'arriverai à le faire dans l'autre sens. À écrire un texte et venir poser la musique dessus. En tout cas, de manière... ça a pu arriver que je le fasse, mais de manière spontanée, c'est vraiment la musique qui vient. Les paroles viennent sur la musique. Ouais. Combien de temps ça met pour faire un album, votre premier album, je cite, le jour où vous avez commencé le projet, au jour où il est en vente? Je rappelle que cet album est autoproduit et financé par une collecte. Oui, effectivement, en partie. En partie, bien sûr. Ouais. Oui, c'est long, surtout le premier. Je pense que le premier, c'est un chemin peut-être d'une grosse partie de vie parce que je ne vais pas dire que ça fait 20 ans que je le prépare, ce n'est pas vrai. Mais les premiers morceaux ont été vraiment terminés d'écrire en 2019, je pense. Donc 2019, ça sort en 2024, ça fait quand même 5 ans. Mais y a, voilà, c'est du temps qui est très... qui est important en fait, je pense, à prendre, en tout cas pour un premier album. J'ai pas l'expérience encore du deuxième, mais ça m'a plu de faire les choses dans le temps, d'avoir le temps de faire du studio aussi. On a enregistré pendant environ, peut-être mis bout à bout, 3 semaines de studio, ce qui est beaucoup pour un album. Mais en fait, d'avoir le temps de faire ça, de pouvoir revenir, avoir du recul sur les choses, sur ce qu'on a enregistré, et puis se dire, mais en fait, c'est pas exactement ça que je voulais, ou se dire, on n'est pas très content, mais puis en réécoutant les oreilles fraîches, finalement, on se dit qu'on a trouvé un truc. Pour moi, ça, c'est un confort, quoi. Et les musiciens qui vous ont accompagné pour enregistrer cet album, c'était des amis, des copains au départ? Il y a eu un peu de tout. Et c'est vrai que cet album, il s'est fait de manière assez spontanée avec Sylvain Briat, que je ne connaissais pas du tout, en fait, avant de travailler avec lui. Donc, il a fallu apprendre à se connaître. On a écrit une partie des arrangements ensemble en studio. Et puis après, les musiciens qui ont joué avec moi, soit c'était effectivement des amis, des connaissances et des personnes que je voulais vraiment faire apparaître sur le disque, soit pour deux d'entre eux, ça a été des rencontres un peu hasardeuses au fil du studio. Il y avait un pianiste qui était là, ou un batteur, et on s'est dit, tiens, tu veux pas essayer ? Voilà, puis ça a marché tout de suite, quoi. Donc voilà, puis il y a une invitée aussi qui pour moi marque aussi de son empreinte tout le disque, c'est Oriane Lacaille, qui a enregistré sur trois titres de l'album. Donc elle joue des percussions et elle chante. C'est la fille d'un grand musicien réunionnais qui s'appelle René Lacaille. Et je pense qu'elle vient aussi marquer de toutes ses traversées et de ses voyages cet album, de manière... c'est une manière qui me parle à moi très fort. On arrive à quelques minutes de l'émission, la fin de l'émission. On va se quitter sur un titre pour lequel vous teniez. Je vous ai laissé le choix de ce titre. C'est Des Refrains, une chanson extraite de votre album, que vous teniez que ça soit diffusé. Et qu'on entend les refrains, c'est un peu ce qu'on retient de la chanson. Ça, c'est une ritournelle, un refrain. Un petit peu, ça reste, c'est gravé. C'est le couplet qui reste en tête, en fait. Moi, j'aime bien. Et alors, c'est plein de légèreté aussi, cette chanson. C'est aussi une belle chanson d'amour, je trouve. Peut-être une sorte de déclaration. Ils me font bien sentir que je t'aime. On s'appuie sur ce refrain qui revient. Sarah Amiel, je voulais vraiment vous remercier d'être venue chez nous, chez Aligre FM. Je remercie également Irina Martino, votre attachée de presse de chez Daydream Music, de son soutien, parce qu'elle m'a bien aidé, je l'ai embêtée, j'ai fait répéter plusieurs fois plusieurs informations, qu'elle m'a bien aidé à préparer cette émission. Je n'oublie pas Enrico Mastro Giovanni et Célian qui sont derrière, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Voilà. Basile qui vous a accompagné, qui est musicien également. Ouais. Et puis on termine par cette chanson qui s'appelle « Des refrains ». On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau coup de cœur d'Aligre FM. Ciao, ciao, et à bientôt sur Amiel. Merci beaucoup, Pascal. Comme des fleurs des champs que l'on aime. j'en entends des beaux, des bas et des hauts. Il y en a des futiles et d'autres utiles. J'en entends des bons, des bruns et des blonds. Si tu tends l'oreille, vous écoutez Aligre FM 93.1. Musicalement Vôtre vous présente son coup de cœur de la semaine. Bonjour, bonjour, Pascal au micro. Cette semaine, je vous propose un focus, une carte blanche avec Eric Carroll. Voici un artiste hors du commun, pas facile à situer. Tant il a eu un parcours éclectique, je sais ô combien il n'aime pas être classé dans les cases, dans un genre musical, tant son univers est large et surprenant. Bonjour Eric Carroll. Bonjour Pascal. Alors ce n'est pas vous qui êtes venu chez Aligre FM, mais c'est Aligre FM qui s'est déplacé dans un endroit de votre choix. Où sommes-nous, Eric ? Alors, nous sommes exactement chez Bibiche, un bar-restaurant niché au cœur des Abbesses. J'aime infiniment ce quartier et c'est un endroit dans lequel je viens assez régulièrement avec mes amis, avec mon bassiste, notamment Jean. Un endroit où vous aimez vous retrouver ? C'est un quartier général, oui, on peut le dire. Et un quartier mythique. Eric Carole, nous venons d'écouter Un pas en avant, une chanson extraite de votre dernier album. Dites-moi, Eric, c'est un grand pas que vous avez fait avec la sortie de cet album ? Un grand pas, je ne sais pas. Pas en avant. Peut-être, peut-être. Pas c'est... forcément la définition de la chanson, mais là, je joue un peu sur le titre. Disons que j'ai passé pas mal de temps à travailler sur cet album ces deux dernières années. J'ai tout enregistré à la maison, dans mon home studio. Je suis accompagné sur ce titre par mon bassiste, justement, duquel je parlais, Jean Levenaf. Je souhaite parler du présent avec vous, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et je pourrais vous définir comme un artisan, en fait, quelque part. Vous dites, c'est un album autoproduit, vous faites vos paroles, vous faites votre musique. Et l'artisan, c'est le respect du travail bien fait, je trouve. Eh bien, travail quand même. C'est tout à fait ça. Je me sens réellement comme un artisan dans son petit atelier. Je peaufine, je suis très méticuleux, très perfectionniste. J'en rajoute sur votre album, vous chantez avec votre voix bien sûr, mais je trouve que vous chantez aussi avec votre corps. Il y a tant de paroles qui vibrent, c'est plein de vérités, ces chansons. Et il y a avec, du vécu. Hein. Et avec mon cœur et avec mon âme, c'est important. Sinon, tout ce travail deviendrait insipide. Et voilà. Vous êtes un doux rêveur, vous le chantez, ce n'est plus un mystère, un doux rêveur, deux pas en avant et un pas en arrière. Ça, j'espère que moi-même, dans ma vie... Vous terminez comme ça, cette chanson. Tout à fait, tout à fait. C'est la conclusion du titre. J'espère que alors, je suis peut-être un utopique, mais j'aime à dire que je préfère l'utopie à la dystopie. Et donc, j'espère que l'humanité, enfin... arrivera un jour à faire ce deuxième pas en avant plutôt que d'en faire deux en arrière régulièrement. Alors, j'invente rien en disant que votre album est personnel. Forcément, il est si personnel. Mais j'ai l'impression de ressentir tout le long de vos chansons des écorchures. C'est un peu comme un combat. Et paradoxalement, c'est plein de tendresse également. Et vous portez un regard sur ce monde qui vous entoure. Il y a un message... Vous le faites savoir par vos paroles, par vos mots, quand même. Oui, c'est ce que j'essaye de transmettre, effectivement. Si ça peut faire réfléchir, j'en suis d'autant plus ravi. Mais oui, j'essaye d'y mettre toute ma conscience humaine et d'approfondir chaque thème avec mes petits... pinceaux, mes petits crayons. Est-ce qu'il peut y avoir une part d'obsession chez vous ? Il peut y avoir une part d'obsession, c'est vrai. Des idées comme ça. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, mais... Est-ce que, quelque part, il y a des choses qui peuvent vous hanter dans la vie ? Ah oui, tout à fait, il y a des choses qui peuvent me hanter. Je suis très... très touché par la souffrance humaine, par cette inhumanité que nous voyons au quotidien. Et oui, ça peut me hanter. J'ai même fait des cauchemars il y a quelques mois pour des événements qui se sont situés au Moyen-Orient. Et ça peut me toucher, oui. Je suis vraiment très sensible à tous les problèmes qui m'entourent. Tout à l'heure, j'ai dit je veux faire un focus sur vous, un portrait radiophonique. Et cette émission me permet de faire découvrir aussi, vous faire découvrir par rapport à vos goûts musicaux. Mm-hmm. Et je vous ai demandé de m'amener un disque qui peut rappeler votre enfance. Et mieux que ça, Eric m'avait amené une cassette de Johnny Hallyday, une chanson qui s'appelle « Que je t'aime » qu'on va écouter. Thank you. quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts. On s'est vu un petit peu avant et il m'avait dit, lorsque j'avais 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous aviez 6 ans ? Alors déjà, je tiens à préciser que c'est grâce à une amie que nous avons en commun que nous nous sommes rencontrés. Pauline Chauvet. Il s'agit bien sûr de notre fée Pauline Chauvet, qui était la programmatrice de Pollen sur France Inter avec Jean-Louis Foulquier. Et je suis ravi de vous avoir rencontré à cette occasion parce que le courant est passé immédiatement. C'est réciproque. Voilà. Et par rapport à cette chanson, lorsque vous m'avez posé la question, j'étais bien ennuyé pour répondre parce que Johnny Hallyday ne fait pas vraiment partie de mes goûts musicaux. C'est la première fois que je passe Johnny Hallyday, avec tout le respect que je lui devais. Mais... mais il se trouve que, voilà, lorsque j'y ai réfléchi, il s'agissait de mon premier enregistrement, j'avais 6 ans. Alors, bien entendu, sur un petit magnétophone à cassette, je ne connaissais absolument pas le texte de la chanson. Je chantais juste les refrains. Ma grande sœur jouait à la groupie derrière et criait. J'ai gardé l'enregistrement. Il est quelque part sur une cassette. Alors, j'aurais infiniment préféré pouvoir passer ce petit enregistrement parce que c'est quelque chose d'attendrissant. Mais voilà, bon, je n'ai pas eu le temps de retrouver la technique a rattrapé cassette. Le passé. Et là, je l'ai passé évidemment sur un CD que d'ailleurs je salue mon régisseur Enrico qui m'a trouvé ce morceau dans notre discothèque. À quel moment de la vie, de votre vie, la chanson a pris de l'importance sur le reste ? Eh bien, dès mon plus jeune âge. J'étais un enfant assez très introverti. D'ailleurs, par exemple, l'interview, c'est un exercice qui m'est difficile parce que je me souviens lorsque j'étais collégien, je perdais parfois mes moyens à l'oral. Alors que je me défendais plutôt bien à l'écrit. Et puis, c'est resté. Je ne suis pas forcément toujours à l'aise. Mais bon, ça va, avec le temps, va. On continue la découverte. Alors, dites-moi. Pour développer cela, comme je parlais très peu, eh bien, très rapidement, je me suis mis à chanter seul dans ma chambre quand j'étais gamin. Donc là, vous voyez, ce premier enregistrement, j'avais 6 ans. Et puis, les années ont passé. Je me suis peu à peu fait mes propres goûts musicaux. Alors, ça sera un peu long de vous dresser une liste exhaustive. Mais vos goûts musicaux, nous y reviendrons tout à l'heure, d'ailleurs. D'accord. Alors, nous y reviendrons. On va écouter une autre chanson de votre album qui se nomme « Au nom du Père ». Souillé le sillon de ta peau, simple d'esprit. Il faudra tomber, le ciel est à ce prix. Au nom du Père, du Fils et des simples d'esprit. Il faudra trembler, le ciel est à ce prix. Écoutez Aligre FM avec Éric Carole. Au nom du Père et du Fils et des simples d'esprit. C'est comme une confession, cette chanson. Tout à fait, c'est ce que nous enseignent les religions monothéistes. Et je me sens plus proche des... Je ne suis pas dénué de spiritualité, mais j'essaye de me débarrasser des oripeaux étroits des religions et de nos bondieuseries. Je me sens presque plus proche des chamans d'Amazonie qui sont en lien cosmique avec la mère nature, avec les arbres, que des curés, des rabbins ou autres imams. Et je ne cesserai de le crier, parce que cette étroitesse d'esprit qui circule dans les religions monothéistes, je ne la supporte pas, je l'aborde. Éric Carole, j'ai écouté l'ensemble de vos chansons et je ressens, vous me dites si je me trompe, des êtres qui se croisent, s'entremêlent, s'aiment, s'opposent, voire se détruisent peut-être. Faut-il souffrir pour savoir aimer ? Est-ce que c'est... Je pense que nous sommes tous amenés à souffrir, nous souffrons tous. L'un ne va pas sans l'autre. Je crois qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance. Chacun de nous a vécu l'amour et a vécu la souffrance liée à l'amour. Donc est-il nécessaire de souffrir pour aimer ? En tout cas, je pense qu'il est nécessaire de souffrir pour apprendre à aimer de meilleure manière et pour apprendre à aimer mieux. Voilà. Alors moi, je vous fais un portrait radiophonique et j'ai le bonjour à vous dire d'une photographe. Et cette photographe veut faire évidemment un portrait photographique sur vous. Elle s'appelle Ève Pinel. Ah mais c'est une grande amie. Je crois que vous la voyez bientôt. Oui, je la vois bientôt, c'est drôle. Et je pense même que je la vois demain. Ici même. Toujours dans votre fief. Exactement. Oui, c'est drôle que vous me parliez d'elle. Elle a un immense talent, je la connais depuis... J'apprécie son travail, oui. Ouais. J'aime énormément son travail. Le Paris populaire des années 70, de Ménilmontant, de Belleville. Un trait de votre caractère, Éric Carole, c'est dur à se le donner soi-même, un trait de caractère. Mais si je vous dis, dans quoi vous retrouvez dans ces mots que je vais vous dire ? Déterminé, tendre, tolérant, naïf, amoureux, rêveur, vous nous l'avez dit. Je peux en choisir plusieurs. Vous pouvez en choisir plusieurs. Je pense être quelqu'un de tendre. Si on me donne de la tendresse, je deviens l'homme le plus tendre du monde. Ça, c'est une certitude. Tolérant, oui, sauf avec les cons. Et comme il y en a beaucoup, ça dépend. Il faut se protéger, Eric. Voilà, oui. Mais naïf énormément. Je ne sais pas si c'est une qualité. Je pense que... cela peut être une qualité, mais je, malheureusement, dans d'autres circonstances, ça a été aussi compliqué de vivre cette naïveté au quotidien par rapport aux méchants. Éric Carole, je vais continuer à vous découvrir par rapport à vos goûts musicaux. Et je vous ai demandé de m'apporter un album, votre album de chevet. Alors, je pense que vous en avez fait plusieurs. Vous en avez plusieurs, mais celui du moment, celui que vous auriez du mal à vous passer. Alors, je vais rectifier, ce n'est pas celui du moment, c'est celui de toute ma vie. J'ai découvert ce chanteur lorsque j'avais 12 ans. Nous parlions tout à l'heure un petit peu de mes débuts dans le chant. qui se sont faits tout d'abord en autodidacte, hein, avant, bien avant de commencer à prendre des cours de chant et de développer de travailler le chant baroque. Il s'agit de Lou Reed. Bien sûr. Et donc voilà, j'ai découvert Lou Reed, c'est ça, j'avais 12 ans. Cet album-là en particulier est pour moi un album qui m'a toujours touché profondément. Je ne sais pourquoi, il m'a pris. C'est l'album Berlin. Et dans cet album Berlin, il y a aussi ma chanson préférée entre toutes. Là encore, je suis incapable de... C'est un coup de cœur, c'est comme le coup de foudre. C'est une chanson immensément triste et pourtant qui... En effet, oui, c'est pas la plus joyeuse, je crois. Non, je dirais qu'elle est vraiment même immensément triste, comme je le disais. Et elle s'appelle Caroline Says Two. C'est la... Parce qu'il y a deux versions, Caroline Says One et Caroline Says Two. Donc là, il s'agit de Caroline Says Two. Et vous m'avez même confié qu'elle est dans votre téléphone et que vous l'écoutez souvent. Oui, je l'écoute régulièrement quand je marche, dans le métro. Alors, c'est pas très gai, mais bon, c'est comme ça. On écoute un extrait. Caroline says, as she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eye, you ought to learn more about yourself. Think more than just I. Nous venons d'écouter Le Choix d'Eric Carroll, une chanson de Lou Reed. Effectivement, une chanson pas des plus joyeuses, ni optimiste, mais c'est son choix. Eric Carroll, est-ce que la vie artistique peut-elle vous faire peur ou au contraire vous booster ? Alors, elle me booste, c'est une évidence. Si je n'avais pas la possibilité de créer, je crois que je me fanerais. Je pense souvent à cela. Si je n'avais pas la possibilité d'écrire, de composer, de chanter, de jouer mes instruments, de créer tout simplement, ma vie n'aurait aucun sens. Alors voilà. Eric Carroll, ça y est, c'est presque la fin, nous arrivons. Déjà ? Eh oui, déjà. Mais qu'est-ce que c'est court ? On se reverra. Avec un immense plaisir. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Un grand, grand merci, Eric Carroll, pour cet entretien que vous m'avez accordé, dans lequel vous êtes confié sans pudeur. Et ça fait plaisir parce que voilà, vous êtes vous-même et je savais que je ne me trompais pas. Je ne peux pas oublier Pauline Chauvet, l'unique Pauline Chauvet qui nous a organisé cette rencontre pour l'interview. Je remercie également Enrico Mastrogiovanni à la régie pour la mise en onde de cette émission. Nous allons nous quitter avec une de vos chansons, qui se nomme Obsidienne. Une chanson qui m'a bouleversé également. C'est pas vous qui l'avez écrite cette fois ? Alors non, je n'ai pas écrit le texte, je l'ai composé. Mais c'est un très très vieil ami, très grand ami, un petit frère pour moi, mon petit frère de Nanterre, puisque nous avons grandi dans la même cité, à l'ombre de l'université. Il y avait à l'époque un terrain de football, où nous jouions au football, et donc c'est Monsieur Poli qui a écrit le texte, un texte absolument magnifique. De toute façon, c'est un grand auteur qui mériterait d'être reconnu à sa juste valeur, avec tout ce qu'on entend et tous ces auteurs avec leurs 5 autres mots de vocabulaire à l'heure actuelle, lui mériterait une vraie, vraie, vraie reconnaissance. On écoute cette chanson que je qualifierais peut-être de monochrome. Il y a... Soulage. Ou de soulage. À bientôt, Eric Carroll. À bientôt, Pascal. Je vous remercie infiniment aussi. Au plaisir. Plaisir partagé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao, ciao. C'est Eric Carole sur Aligre FM 93.1. Cette trace le suit dans l'œil du loup, ses cheveux de pluie plein le cou. Ce paysage dans le cirage, un monochrome de soulage. Ce charbon d'avant le diamant, ce rayon de lune tranchant. Cette vie de bâton de réglisse, nos baisers comme des précipice, obsidienne, obsidienne. Ce rideau sur mes souvenirs de Transylvanie, ton sourire. Ton poison nageant sur ma langue, histoire de cru, de cuir, de sangle, cette lime dans le pain de seigle, cette plume de la main d'un aigle, se coule sur tes paupières ardoises, tes dentelles en ombre chinoise, obsidienne, obsidienne. Collectionneur d'orchidées, la sang.